idole de l'emploi. Sauf que dans ce cas-là, il ne s'agit pas de trimer mais de sortir en réseau. Dans beaucoup d'endroits, on n'aime pas trop les faces de Renoir. Non, on veut pas chez moi, c'est mieux qu'ils restent chez eux. Les mesquineries de tous les jours, au boulanger ou à Carrefour, on s'y est habitué. Chaque jour, je crache sur mes retours. Les voisins malhonnêtes qui ne veulent jamais dire bonjour. Les propriétaires esthètes qui ne louent à aucun recours. Le délit de gueule ou le délit d'apparence, ce sont tous les malsains préjugés qui sillonnent la France. D'accord, ok, tu assures la sécurité. Est-ce que quelqu'un a pensé aux causes de l'insécurité? Pourquoi les jeunes sont sortis dans la rue et ont tout brûlé? On s'en fout, de toute façon les assurances vont rembourser. La vie est un feuilleton que tu verras pas à la télé. Cadencé, pimenté, ne fais pas intoxiquer. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. On se presse de me mentir, d'utiliser la langue de bois. Je fais des efforts pour me vêtir mais je ne rentre pas. Un coup de feu, c'est la panique dans la teboie. Et je collerie quand la guerre vient casser ton rebat. Si tu veux plus voir ma gueule alors faut m'enfermer. Je ne donnerai pas mon identité pour m'amuser. Poche vide, poche pleine, tu as quand trop d'importance. Tout ce qui brille n'est pas or, il y a d'autres substances. Toujours les mêmes critères que tu donnes avec insistance. J'ai pas encore parlé mais tu vas me dire par avance. Pas de casquette, pas de basket, vous n'êtes pas accompagné. Désolé, j'arrive tout seul mais ta soeur vient de me lâcher. Enculé. Je sors de mon taf, je veux me relaxer. La libre circulation des hommes est-elle un droit privé? Je veux pouvoir rentrer dans ton bar, m'asseoir et boire avant que tu puisses savoir si je mettrai le foutoir. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. Pour les pains, j'ai pas la gueule de l'emploi. Pour le pain, j'ai pas la gueule de l'emploi. Au Bataclan, j'ai pas la gueule de l'emploi. Au Fiscafé, j'ai pas la gueule de l'emploi. J'ai voyagé pour voir ce qui se passe à l'étranger. J'ai constaté à mon retour que nous étions des arriérés. On dit partout dans le monde que l'Europe est bien civilisée. Mais ici en France, il faut changer les mentalités. Le move, le vrai, pas celui des gens branchés. Est le seul capable d'apporter du groupe dans ta soirée. On dit dans les parties hip-hop, ça pète. C'est la garba qui vient continuellement gâcher la fête. Fatalement, ce sont les mêmes gens que tu prends, que tu descends. On procède au regroupement selon les quantités d'argent. C'est l'époque qui veut ça, ce n'est pas prêt de changer. Pour changer, il faut encore attendre quelques années. Mais moi je m'entête, j'attrape ces rats dans mon beurre. Fait comme des rats, qui vivra verra, c'est un prédicat. Je sors du tempo et lance une dernière rime pour tous ceux dont la gueule de l'emploi rend infirme. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule de l'emploi, j'ai pas la bonne gueule pour entrer là-bas. J'ai pas la gueule savoir.